Balade de retour. Le temps met septembre en sa hôte. Adieu, les clairs matins d'été. Là-bas, l'hiver tous ses grelottes en son ulstère de neige ouatée. Quand les casinos ont jeté leur dernière ritournelle, la plage est triste en vérité. Revenez-nous, parisienne. Toujours l'océan qui sanglote contre les brisants irrités. Le vent d'automne qui marmotte sa complainte à satiété. Un ciel gris à perpétuité, des averses et diluviennes, cela dont manquait de gaieté. Revenez-nous, parisienne. Hop, le train siffle et vous cahote. Là-bas, c'est Paris enchanté, où tout l'hiver, on se dorlote. C'est l'opéra, les fleurs, le thé. Ô folle de mondanité, allons, rouvrez les persiennes, de l'hôtel morne et déserté. Revenez-nous, parisienne. Reine de grâce et de beauté, venez, frêle magicienne, reprendre votre royauté. Revenez-nous, parisienne.